Manu qui passe à Manu, une longue volée de Manu, attention un tir de Manu, attention et Manu prend la balle, il court et passe à Manu, petit pont sur Manu, attention il tire, et Manu intercepte le ballon, ça ne sera pas le but pour l'équipe de Manu.